Annick et je suis bénévole à Artisans du Monde, qui est un réseau associatif militant de commerce équitable. Pour nous, le commerce, c'est une relation commerciale dans le respect et qui met l'homme, l'économie au service de l'homme et non pas le contraire. Et on a l'impression, quand on parle, enfin, pour nous, d'entendre parler de transition, ça nous a été, enfin, ça nous va au cœur parce qu'on a l'impression que depuis 40 ans, c'est ce qu'on fait. La transition d'un commerce injuste vers un commerce juste. Voilà. Alors qu'il soit local, mais qu'il soit aussi international. Parce qu'il y a quand même, on est citoyen planétaire, et je pense que c'est important ce qui se passe dans tous les coins de la planète. Voilà. Alors, j'ai encore 10 minutes ou pas? Encore 10 secondes. Alors, les besoins. Les besoins, c'est que, d'une part, on souhaite vous connaître mieux tous, et mieux se faire connaître de vous. Pourquoi vous connaître mieux? Par exemple, voyez, aujourd'hui, nous avons une animation au magasin, et où on va parler de la transition, et j'aimerais pouvoir transmettre tout ce que j'ai entendu ce matin, avec des papiers, etc., etc., pour que nos gens sachent qui vous êtes. Merci.